Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi d-dars al-sabiq, on est rentré fi bab al-Khufay. Et on avait commencé par le premier chapitre fi dhalik wa huwa qawlu al-mu'allif hafidhahullah shar'iyyatu al-mashi ala al-Khufay. Oui, ça fait partie de notre dîn. C'est mashrou' fil kitab, fil sunna. Ma dalil min al-Qur'an ala mashrou'iyyat al-mas' ala al-khuffay. Tfaddal. Wa arjulikum bi qira'at al-kasr. Na'am, ala qawl. Ils ont expliqué le verset ala al-kasr. Arjulikum. Ay, il est ma'touf ala al-ru'us, allati tumsah. Ay, si tu portes des khuffay. أو ما يقوم مقام الخفين الآن لشوسات اكسترا ومن السنة حديث في البخار سعيد النبي وقص النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ثم avant de rentrer dans le bab توقيت أي le temps أي la durée plutôt la durée pour le résident le مقيم pour le voyageur le مسافر on a cité les شروط من كلام شيخ ابن عثيمين من يذكر هذه الشروط ذكر شيخ ابن عثيمين أربعة الشرط الأول عندك أن تلبس الجورب بطاهرة وأنت على طهارة نعم الدليل حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دوزيام شرط أن يمسح على الخفين في الحدث الأصغر نعم أو الحدث الأصغر كالغائط أو البول النوم إلى آخره S'il perd le wudu, il les a portés à la tahara, il avait le wudu. Thumma il a mis ses chaussettes, mathalan. Thumma il a perdu le wudu. Yajouz, bal yushra, an yamsa ala al khufayn, ou ala al jawrab, lakin bi shart, c'est qu'il a perdu le wudu, al hadath al asghar. Amma si il a perdu le wudu, janaba, mathalan, ou la femme al hayd, fa fi hadha al hal, al ghusl. Il n'y a pas de masse ma'a al-khusl kama taqaddam. La qa'ida la masse ma'a al-hadath al-akbar. Wa al-dalil on l'avait cité à Hadith Safwan ibn Assal radiyallahu an illa min janab. Al-shahid amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la nanza'a al-khuffay wa nahnu ala safar illa min janab. Al-shartu al-thalith عندك Al-mas'a na'am fi al-waqt al-muhaddad. ما هو الوقت المحدد يوم وليلة واحدة يوم وليلة للقائم نعم والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن هذا سيبو المسافر يسلع مسألك فما بوغ اليوم بإذن الله انت طيب الشرط الرابع الخفين يكون طاهر نعم طهارة الجوارب والخفين فلا يمسحنا بدي على نجاسة Et ça, c'est fil khuffayn et autres. Al-qamis, les habits, l'insan, il fait salat. Et il ne faut pas qu'il y ait une najasa. Lakin fil khuffayn, s'il y a une najasa, il faut yumsah. Tu es obligé de changer. Tu peux pas porter hada ou faire salat avec une chose qui est une najasa. Hadi arba shurut, tayyiba, wadiha. Et inshallah, ça va nous être utile pour ces doros sur le khuffayn. Amma tawqit, on l'avait lu, al-bab, un jour pour le résident, trois jours pour le voyageur avec les nuits, bien sûr. Hadith Aouf, Ibn Malik, al-Ajja'i, radiyallahu an, anna Rasulullah s.a.w. amara bil mas'a al-khuffayn fi ghazwa al-tabouk, thalatha ayyam wa layalihinna lil-musafir wa yawman wa layla lil-muqim. Hadith il est sahih, bishawahida. Beaucoup d'ahadith dans ce bab. Il y en a cité quelques-uns chers. Cheikh Mohammed Ibn Hizam fi Fath al-Allam waffaqahu Allah, il a cité cette masala en détail. Page 202, hadith numéro 58. Al-hadith al-thamin wal-khamsi. Hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qala al-hafidh Ibn Hajar rahmatullah alayhi fi al-bulugh وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المس على الخفين أخرجه مسلم. قال في الحاشية أخرجه مسلم دون قوله يعني في المس على الخفين، فهي من تفسير الحافظ رحمة الله عليه. يعني في المس على الخفين ست كلمة سان تفسير الحافظ ابن حجر في البلوغ، أما في مسلم ويوما وليلة للمقيم. ولا شك أن المسألة أن الكلام علي رضي الله عنه c'est par rapport à la mas'ala al-khuffayn. قال حفظه الله مسألة التوقيت للمس'ala al-khuffayn. Donc hadith il est واضح. 3 jours et leur nuit pour al-musafir et 1 jour et une nuit pour al-muqim. هذا واضح. قال دل الحديث أو حديث علي بن أبي طالب وقبله حديث صفوان ابن عسال تقدم معنا وغيرهما على التوقيت في المسح للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. قال الترمذي والقول بالتوقيت في المسح هو قول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده من الفقهاء مثل الثوري وابن المبارك عبد الله والشافعي وأحمد وإسحاق. Le qawl par rapport au hadith, c'est le qawl al-sahih. قال وذهب الشعبي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن إلى عدم التوقيت للمسح وهو قول مالك أي deuxième قول يقولون يبد وقت. قال وحكي عن الليث الليث ابن سعد وهو قول قديم للشافعي. فالانسيان قول للشافعي c'était qu'il n'y avait pas de توقيت il n'y avait pas de limite de temps. ثم il est revenu على هذا. قال والراجع هو المذهب الأول وهو ترجيح جميع كبار أهل العلم المعاصرين فيما نعلم والله أعلم. نعم 3 jours avec les nuits pour le voyageur et 1 jour et la nuit pour le résident. قال مسألة متى يبدأ التوقيت. Et هذا c'est مهم. C'est quand ça commence التوقيت. لأن الآن tu sais que c'est une عبادة مشروعة المسح على الخفين. Et tu sais qu'il y a un waqt muhaddad. Et en tant que tu es obligé de respecter cette limitation, cette durée. Lakin, c'est quand que ça commence? Est-ce que ça va commencer le premier mesh? Ça change tout. Rubama, ça fait 3 jours que tu as les chaussettes. Thomas, tu fais le mesh. Ça commence à partir du mesh. Est-ce que ça va commencer à partir de le moment que tu as mis al-khuf, ou cette chaussette? Maintenant, tu l'as mis tout de suite, là. Ça commence à partir de maintenant. T'as fait le mas'h ou pas? قال في المسألة ثلاثة أقوال. قال القول الأول يبدأ التوقيت من اللبس. À partir du moment où t'as mis الخف أو la chaussette. Ça commence. Une fois que t'as mis, maintenant, t'as mis tes chaussettes, tu t'es levé, maintenant, avant le fajr, t'as mis ta chaussette, ça commence. Si tu fais le mas'h après le dhuhr, tu ne fais pas le mas'h jusqu'au dhuhr du jour suivant. Là, pour ce qawl. Ce qawl, t'as mis les chaussettes avant le fajr, le lendemain avant le fajr, c'est fini. Le qawl الثاني, ابتداء التوقيت من الحدث. وهو مذهب الشافعي. أو الشافعية والحنفية. وروي عن أحمد. وعزاه النووي في شرح المهذب للجمهور. On avait dit, le شرط pour مس على الخفين, c'est ماذا؟ على طهارة. Donc lui, dès qu'il a mis ses chaussettes, il était à la tahara. مثلاً, aujourd'hui on est mercredi, après le fajr ou avant le fajr, il a fait le dos pour le fajr et il a mis les chaussettes. Donc il les a mis avant le fajr. Al qawl al awwal, ça commence le tawqit. خلاص, dès qu'il les a mis, il a 24 heures. هذا لا. هذا les a mis avant le fajr, pour l'instant c'est pas compté. ثم avant le dhuhr, il a perdu le dos. Dès qu'il a perdu le dos, il a les chaussettes, l'an, il les a mis depuis le fajr. Ça commence le tawqit pour eux. L'an, il a perdu le dos, il a les chaussettes, l'an, à partir de ce moment, il a 24 heures pour faire le mas'h. Vous avez compris. Le troisième qawl, ça sera, il a perdu le dos. Maintenant, il a perdu à 10 heures du matin. Il fait le dos à midi pour le dhuhr. Pour eux, ça commencera à partir de midi. Donc, tu as 3 qawls. Tu as le premier, on va donner maintenant l'exemple sur une journée. Il a mis les chaussettes avant le fajr. Ça commence à partir d'avant le fajr. Le deuxième, Qawl, il a perdu le dos à 10 heures du matin. Il avait le dos du fajr. À 10h du matin, il a perdu le dos. Ça commence à partir de 10h du matin. Donc entre les deux, l'un, si le Fajr est à 5h et il a perdu le dos à 10h, l'un, il y a 5h de différence. Vous avez compris l'un. Le troisième call, il a perdu le dos à 10h, lakin, il refait pas le dos. Il refait le dos pour le dohr à midi. Ça commencera à partir de midi. Donc, s'il est muqim l'un, le premier, il peut faire le masah jusqu'au Fajr le lendemain, ou avant le Fajr. Le deuxième qawl, il peut faire le masah jusqu'à 10h du matin le lendemain. Le troisième qawl, il peut faire le masah jusqu'à midi. قال القول الثالث ابتداء التوقيت من اول المسح. Quand il fait le masah, il a fait le dos, on a donné l'exemple à midi pour dohr, il fait le dos, il arrive au pied, il a les chaussettes, il fait le masah. Dès qu'il fait le masah, midi, khalas, il a 24h. Troisième qawl. قال وهذا قول الاوزاعي وأبي ثور ورواية عن أحمد واختاره ابن المنذر لأن الأدلة جاءت بالتوقيت للمسح. Ça c'est un dalil قوي أن le توقيت il est pour le masah. Il n'est pas pour le hadath ou pour le fait de les avoir mis. Donc eux ils ont choisi ce qawl le troisième. La durée elle est pour le masah. Donc elle commence à partir du premier masah. قال النووي وهو المختار الراجح دليلا وهو ترجيح العلامة الألباني. Cheikh Al-Albani il a choisi ce qawl. En fait, les deux qawl les plus proches, c'est le qawl al-thani wa al-thalit. Le troisième qawl, قال وهو ترجيح العلامة الألباني والعلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان الإمام المفسر رحمة الله عليه. قال والعلامة والوادعي شيخ مقبل والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين وهذا القول هو الراجح والله أعلم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que cette ibadah al-masah. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité une durée par rapport au masah, pas par rapport au fait de les porter ou par rapport à avoir perdu le dos. Donc al-afdal al-aqrab wallahu ta'ala alam c'est ce qawl. لأن le tawqid il est par rapport au masah, donc il commence par rapport au premier masah. Dès que tu fais le premier masah al-khuffayn, ta durée elle commence. الشيخ الفوزان ربما إلى ربما ذكر شيء ومدة المسح إلى شوازي من الحدث بعد اللبس. نعم نوليز اللبس الظاهر يجوز اللبس كذلك أو اللبس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال وابتداء المدة في الحالتين أي المقيم والمسافر يكون من الحدث بعد اللبس. تامي تشوست وفجر. Ça c'est un قول. Il dit ça commence. On a dit le قول il est بعيد. ثم tu perds le dos on a dit à 10h du matin. Tu refais ou tu refais pas le dos, ça commence les 24h à partir d'ici. Ou 3 jours pour le voyageur. هذا c'est le قول. الثاني قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. الإمام النووي قال شرح مهذب الجمهور. شيخ الفوزان لا choisi هذا القول. قال لأن الحدث هو الموجب للوضوء. Vous avez vu la différence là. Cheikh Fawzan il dit il a perdu le dos à 10h du matin, donc à partir de là il peut refaire le dos, il peut refaire le masah, donc la durée elle commence. Troisième cas ils disent là, ils disent ربما il a perdu le dos à 10h du matin et il refait pas le dos, t'es pas obligé de refaire le dos, le dos tu dois le faire pour salah. Fa ربما à 10h du matin il a perdu le dos, il refait pas le dos, il le fait à midi, pour eux à midi il a fait le masah, ça commence. Fa le qawl thalith il est aqrab. قال ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث. فأو ils ont mis la durée à partir du moment où tu peux faire le masah. Le troisième قول ils ont commencé la durée à partir du moment où tu fais le masah. Il y a une différence. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré la durée par rapport au masah. Donc le troisième قول il est أقرب. قال فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. هذا القول الصحيح. تمام. Il est طيب الملخص الفقهي جدا. Vous avez remarqué, il n'a pas توسع في الخلاف. Il a cité son avis. حفظه الله. ثم il a fait une إشارة أنه يا خلاف معروف. Et lui il a رجح أنه سبعد الحدث. فطيب الملخص الفقهي طيب خاصة pour les débutants. Il est نافع. بقي هذه مسائل par rapport à الوقت. قال مسألة. La troisième. إذا انتهت مدة المسح. فهل تنتقد الطهارة وكذا لو خلع خفية قبل انتهائها قبل انتهاء المدة. هذه المسألة مهمة. Beaucoup de gens se posent cette question. انتهت المدة. Il a mis Matalan, on dit, on n'explique plus le khilaf, khalas. Nous on sait que sahih, ça commence au Wulmes. On dit que la durée, elle commence lundi au Dohr. Il a fait le mess, il a 24 heures, il est mouqim. Mardi au Dohr, c'est fini, il ne peut plus faire le mess. Lakin, est-ce que s'il est à la wudu, mardi avant midi, il a encore l'wudu. Est-ce que quand la limite, elle est terminée, on avait dit la limite, c'est mardi au Dohr, est-ce qu'il a perdu l'wudu? Deuxième masala, en fait, il y a deux masala. Deuxième masala, il a dit que si il a mis le khufayn avant l'intihal mudda. Matalan, lundi à midi, il a mis le khufayn et la durée elle commence. Il lâche qu'à mardi midi. Matalan, on dit mardi à 8h du matin, il enlève le khufayn. Est-ce qu'il a perdu le wudu? Bihada. Qala, fi hadhihi al masala, arba'atu aqwa. Qala al awwal yakfi ghasl al qadamayn. Ay, il lave ses pieds faqat. Il ne refait pas le wudu. Léna, il a l'eau d'eau. Lakin, il lave les pieds, les mains. Léna, pour eux, il ne peut plus faire le mess. Et laver les pieds, il ne l'a pas fait. Donc, il les lave là. Qal al-thani, yalzumuhu, isti'naf l'eau. Deuxième qawl, il refait l'eau d'eau. Qal wa taharatuhu s-sabika muntaqida. Il refait l'eau d'eau. Qal al-thalit, inna ghasla rijlayhi a'aqib al-naz'u kafa. Wa in akhara hatta tala al-fasl. Ça ressemble au premier qawl, il lave que ses pieds, sauf s'il y a une longue durée, il refait tout l'wudu. الرابع لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره. Et c'est ça le qawl sahih. قال بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. نعم, لأن في الأحاديث الصحيحة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أن l'wudu il a des annulations. هذا الآن il a pas annulé l'wudu. La durée, elle est finie. Enfin, il y a une chose qu'il ne peut plus faire, c'est le masih. Hada wadih, il ne peut plus faire le masih. Matalan, il est midi, il a fini la durée. Il a encore l'eau d'eau, il ne peut plus faire le masih. Lakin, l'an, il a l'eau d'eau, il fait le salat. Et s'il a encore l'eau d'eau, asr, il fait l'asr. On dit, matalan, au Maghreb, il a perdu l'eau d'eau. Avant le Maghreb, il a perdu l'eau d'eau. Il a encore le khufayn. Fi hada al-hal, on lui dit, tu es obligé d'enlever le khufayn. La durée, elle est terminée. Et tu ne peux plus faire le mess. Donc tu as les refaits. Tu les enlèves et refais l'odo. Il refait l'odo et il lave ses pieds. C'est ça le qawl sahih. Amma hum la. Même s'il a l'odo, il arrive à midi. La durée elle est finie. Ba'dhum ils disent, il enlève les chaussettes, il lave ses pieds. Ba'dhum ils disent, il enlève les chaussettes et il lave tout. Et il fait l'odo entier. Aqsud. Amma nahnu la. Le qawl sahih, c'est que la durée elle est terminée pour le mess. Ça ne veut pas dire qu'il enlève les chaussettes. Il peut les laisser tant qu'il est à l'odo. Lakin, le moment où il perdra l'odo, il ne peut plus faire le mess. C'est ça le qawl sahih. La shay alayh, la ghasl al qadamayn wa la ghayruh. Bal taharatuhu sahiha yusalli biha ma lam yahdud. Naam, ay ma lam il annule son wudu avec hadath asghar ou akbar. Wa ihtajju ala dhalik bi annahu qad thabatat lahu at-tahara. La shak, mithla hadha al-an. Si on demande est-ce qu'il a l'wudu, personne peut dire qu'il n'a pas l'wudu. Il a l'wudu. Qal wa taharatuhu sahiha. فَلَا تَبْطُلْ بِلَا حَدَتْ كَالْوُضُوْ وَأَمَّا نَعْمْ. Celui qui dit qu'il n'a plus l'eau, il faut qu'il nous montre. Al-An, il n'a pas perdu l'eau avec un aqid min aqid l'eau. فَإِلَا عَلَى طَهَارَ. قَالْ وَأَمَّا نَزْعِ الْخُفْ فَلَا يُؤَثِّرْ فِي الطَّهَارَ بَعْدْ صِحَتِهَا. لأن enlever les chaussettes, c'est pas naqid min aqid l'eau. Le fait d'enlever les chaussettes, ça annule pas l'eau. Là. Là. لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré l'eau, il nous a montré le naqid. Et on n'a pas de délil à la had. Si tu enlèves le khuf, tu n'as plus l'eau d'eau. Il donne un exemple. Exemple, à midi, tu fais l'eau d'eau. Pour Dohr. Dohr, il est à midi et demi. Midi, tu fais l'eau d'eau. La chèque, tu fais le mess à la ras, comme on a vu. C'est wajib. Tu fais le mess. Donc, tu as l'eau d'eau. Avant l'asr, tu te rases les cheveux. Est-ce que le fait que tu t'es rasé les cheveux, on va dire que tu refais l'eau? Falima ada, enlever les chaussettes, on referait l'eau. Ada, c'est un qawl tayyib, le qawl al-radi. Qala Sheikh Muhammad, ada qawl huwa al-rajih, li quwwat ma'khadhih. Qala an-Nawawi, wa huwa al-mukhtar al-aqwa. Naam. Alors que les Shafi'iyyah, ils ont un autre qawl. Ça montre que haoula al-a'imma, la yata'assaboun. Ils recherchent le haq. Et si le haq, ils contredisent leur madhhab, tu les trouveras, بإذن الله عز وجل, il te dira al-mukhtar al-aqwa, c'est qawl fulan. Walaw yakhalif le qawl de son sheikh ou de son madhhab. Fait un exemple, on a ma'a al-Nawawi. Qal wa huwa al-mukhtar al-aqwa wa rajjahahu sheikhuna al-wadi'i. Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Qal wa sheikh al-Uthaymeen, rahmatullah alayhima. قال ومن نزع أحد خفيه فهو كمن نزعهما عند عامة العلماء إلا الزهري وأبا ثور. تمام. C'est une autre مسألة. أن بعضهم ils ont fait la différence. S'il enlève maintenant la chaussette gauche, فقط. Est-ce qu'il refait? Il a laissé une et il a enlevé une autre. Là, قول عامة العلماء, c'est la même chose. Il enlève les deux ou une. Le khilaf, c'est le même qu'on a lu à l'an. الراجح والله تعالى donc c'est le قول الرابع أنه لا شيء عليه. انتبهوا هنا المسألة c'est est-ce que tu perds l'eau et tu refais l'eau. C'est pas مسألة المسح. المسح c'est autre chose. المسح on l'a vu la durée. الآن une autre مسألة par rapport à la durée. Maintenant il enlève les chaussettes avant de finir la durée. Est-ce qu'il perd l'eau d'eau? Ah oui, il laisse les chaussettes après la durée. Est-ce qu'il a perdu l'eau d'eau? On a vu un sahih là. Un sahih c'est que le masih il est fini. Lakin le fait de refaire l'eau d'eau c'est par rapport à l'hadith. Il perd l'eau d'eau avec un aqid min nawaqid l'eau d'eau. Kalbaoul ou l'ra'it ou l'naum ou janaba. Hala. Asta masala les nafi'a. Beaucoup de questions sont posées par rapport à ça. Là où les gens, l'an, ils comprendraient. La première masala, tawqid. Anna où ça commence à partir du masih, 24 heures pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Tout le monde, il comprendrait cette masala. Il ferait la différence. Anna, il a enlevé les chaussettes, là qu'il reste du temps pour le masih. Il a encore l'eau d'eau, tant qu'il n'a pas perdu l'eau d'eau. Ou, il dépasse la limite, là qu'il il a encore les chaussettes, il est à la tahara. Tant qu'il n'a pas perdu l'eau d'eau, il est à la tahara. Est-ce qu'il refait le masih? Là, il a dépassé la limite. Là qu'il l'eau d'eau, il l'a toujours. Là où le nas, il comprendrait la différence entre ces deux situations, beaucoup de questions, ils auraient les réponses. Beaucoup de questions, j'ai mis, maintenant ils disent, lundi, j'ai mis les chaussettes à midi et j'ai fait le masih. Mardi, au Asr, j'ai encore les chaussettes et j'ai l'eau d'eau depuis avant le Dohr. Est-ce que je fais Salat al-Asr? On lui dit Naam. On lui dit Naam. Il y en a la limite, tu ne fais plus le masih. Là, quand tu as dépassé la limite, tu as encore l'eau d'eau. Donc, fais Salat tant que tu n'as pas perdu l'eau d'eau. Ou alors, tu as les khufayn. Enfin, la limite, c'est par rapport au masih. C'est pas par rapport au fait de les porter. N'tabihu li hadha al-farq. Si vous avez compris hadha, Inch'Allah, demain, les autres masail, ça sera très simple. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.